La délégation de taekwondo, conduite par Liu Wai-Ming, vice-président de la Fédération internationale de taekwondo, est arrivée le 13 à Pyongyang par vol pour participer à la célébration du 50e anniversaire de la fondation de la fédération. Elle a déposé les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu pour rendre hommage.